Welcome, my friends, to French Pod. Today we've got an intermediate lesson, and it's called Speed Dating Second Round. My name is JP. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury. Amaury, this is a great lesson. I'm so looking forward to hearing it. Oui, parce qu'on aura vraiment beaucoup d'expressions françaises intéressantes aujourd'hui. Mm-hmm. And it's all about being charming and flirting with the ladies. Si on veut. Donc cette leçon s'appelle Speed Dating Second Round, comme tu l'as dit. Puisque nous avons déjà eu une leçon à propos du speed dating, on a vu que ça ne s'était pas très bien passé. Right. Donc on espère beaucoup de cette rencontre aujourd'hui que ça se passe mieux. I hope so, but you never know, you know, that's how these things go sometimes. Évidemment, tu sais, tu as déjà participé à une à ces speed dating? No, but I've been shot down pretty fast. Amo, you better tell us our keyword, our mot-clé. Alors, une phrase clé aujourd'hui, c'est on s'en fout. On s'en fout. That's the keyword? Oh my goodness, on s'en fout is like, who cares? Exactement, parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en français. Right. Don't you think it's a little bit strong? It's not, is it acceptable to say that? On s'en fout? C'est familier. Okay, it's familiar. Donc, ce n'est pas quelque chose à employer avec des gens que vous ne connaissez pas. Okay. Mais les utilisateurs se rendront compte s'ils rencontrent des Français qu'entre eux, les Français l'utilisent, le disent beaucoup. Absolutely, all the time. Ouais. C'est pas grave, on s'en fout. It's no big deal, who cares? Mais par contre, ce qui est important, c'est la leçon d'aujourd'hui et le dialogue qu'on va écouter tout de suite. Salut la gazelle, ça gaze? Oui, merci. Je m'appelle Marion, et vous êtes? Je suis Jonathan, et je n'attends que toi. Un poète, je vois. Il n'y a pas à m'attendre. Vous faites quoi dans la vie? On s'en fout. Tu me plais? Je te plais? Marley est garé devant le café. Je t'emmène, bébé. Pas de précipitation. Je ne sais rien de vous. Je ne suis pas une fille comme ça. Pour qui me prenez-vous? T'emballe pas. Tout ce que j'essayais, c'était d'être drôle et original, sur les conseils d'un ami. Vraiment? Je peux savoir quel conseil il vous a donné? Il m'a dit, fais-les rire. Femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. C'est raté pour cette fois, mais c'est pas grave. Je ferai mieux avec la suivante. C'était cool de pouvoir s'entraîner un peu. Bye! Et voilà, JP, malheureusement, encore une fois, ce n'est pas le bon. Nope. Crash and burn. Voilà, lui, il n'est pas très sympathique non plus. Non. On le voit dès le départ, qui n'est pas très sympathique, puisqu'il dit « Salut la gazelle ». Ok, la gazelle. This is of course that African deer that lives on the savannah and gets eaten by lions. Voilà. Et en fait, ce mot « gazelle » vient du Maroc, et c'est la manière dont les Marocains appellent les femmes qui sont étrangères. Oh, ok. So Moroccans call non-Moroccans. Ouais, gazelle. Exactement. Okay. Et donc, comme il y a une communauté marocaine en France, le mot est venu aussi en France. Okay. So French people say it now. Bon, ce n'est pas très courant, parce que autant en Maroc, ce n'est pas péjoratif, right. Autant en France, ce n'est pas très gentil d'appeler une femme une gazelle. Okay, so this would be like in English, me saying, hey baby, salut la gazelle. Okay. Et ensuite, ça gaze. Ça gaze. Is it going well? Voilà, c'est une expression. Encore une fois, qui est très très familière, qu'on n'emploie pas avec des gens qu'on ne connaît pas, qui montre bien que cet homme, ce garçon, est un peu rustre. Hein. Ok. Hey babe, what's going on? Au contraire, Marion ici est très polie. Elle dit « Oui, merci, je m'appelle Marion ». Et donc on a ensuite la formule « Et vous êtes ?» She's keeping a little distance between them by using the vous form, right? Vous voyez? Oui. Ok. Ce qui est habituellement normal quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ok. But he introduces himself. Je suis Jonathan. Jonathan. Et je n'attends que toi. Ah! Ok, so the joke there is, he's saying his name is Jonathan. Oui. No, that would be in English, that would be Jonathan. And then he says, et je n'attends que toi. You're the only one I've been waiting for. And it sounds like je n'attends. Tout à fait. Je n'attends que toi. Et c'est pour ça qu'elle lui dit directement... Un poète, je vois. Ok. Il aime la rime. Mais bon, elle ne se laisse pas charmer si facilement. Right. Puisqu'elle dit, et à part m'attendre, vous faites quoi dans la vie. Okay, now she's sticking with the vous, right? Even though he's already given her tu. Right? Vous faites quoi dans la vie? So what do you do with your life? Parce que comme tu l'as dit, elle garde ses distances. Mm-hmm. Et donc lui continue d'être direct. Mm-hmm. Et lui dit, on s'en fout. Okay, this is our phrase clé. Who cares? On s'en fout. Tu me plais, je te plais. Oh, this is like from a movie. I like you, you like me. Et bon, il essaye quand même, en plus là, de l'impressionner un peu. Mm-hmm. Ma Harley est garée devant le café. Okay, garée, this is parked. So his Harley, this Harley must be some kind of vehicle. Is this a Harley Davidson? Exactement. Oh wow, he's really charming her. Et donc il lui dit, je t'emmène bébé. All right, and I'm taking you baby. Okay, I like you, you like me. My Harley's in front of the cafe, let's go. Wow, and she's still on vous. Pas de précipitation pour hold elle. On a second, hold on. That would be like, there's no hurry, right? Pas de précipitation, so... Je ne sais rien de vous. Donc savoir quelque chose de quelqu'un. Right. Et je ne suis pas une fille comme ça. I'm not that kind of girl. Ouais, une phrase qui veut dire plus ou moins la même chose. Pour qui me prenez-vous? Okay, so that distance is still there. Ouais. Right? Who do you take me for? Who do you think I am, right? Tout à fait. Donc là, il voit qu'elle n'est pas contente. Mm-hmm. Donc il lui dit, ne t'emballe pas. Ok, ne t'emballe pas. Now, this isn't a word I use all the time. S'emballer. Oui. Donc s'emballer, c'est s'emporter. Mm. Avoir une réaction un peu démesurée. Ok, don't get all uptight now. Ne t'emballe pas. Don't get mad on me, right? Oui. Alors, il se justifie, le pauvre. Tout ce que j'essayais, c'était d'être drôle et original sur les conseils d'un ami. Oh, you know, that's never going to work with a woman. Hey, my friend said that I had to be funny and original. I was just trying to be funny. That's not charming now. He's backpedaling. Tout à fait. He's totally backpedaling. Donc, comme tu dis, ça ne marche pas. Elle lui dit, vraiment, je peux savoir quel conseil il vous a donné. Okay. So the question is, je peux savoir quel conseil il vous a donné? Can I know what advice your friend has given you? Ouais. Right? À ce moment, elle s'en fout. Yeah. Tout ce qu'elle veut savoir, c'est ce que son ami lui a dit, mm-hmm. ce que son ami lui a conseillé. Et donc l'ami en question, il a dit, fais-les rire, femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Oh no. Okay, yeah, this is a problem. He shouldn't be telling this. No, this is not charming. So, fais-les rire. Make them laugh. Because femme qui rit, the woman who laughs, she's halfway in your bed. That is awfully presumptuous. Tout à fait, JP, ouais. Je n'ai pas écrit le dialogue, attention. Hein. Okay, sure. Et là, il est vraiment dur encore. Il dit, bon, il s'en fout vraiment. Il dit, c'est raté pour cette fois, mais c'est pas grave. Je ferai mieux avec la suivante. Ok, it didn't work this time. It failed this time pour cette fois. But it's no big deal, right? Voilà. Mais c'est pas grave. It's no big deal. It's not a big thing. Je ferai mieux avec la suivante. I'll do better with the next girl. Tu te rends compte? He's already on to the next girl. Je sais pas s'il va essayer la même tactique. Mm-hmm. Enfin, sa façon de la remercier, c'est de lui dire « C'était cool de pouvoir s'entraîner un peu. » Okay, so it was cool, and they use the word cool in French. Oui. So it was cool to be able to practice with you. S'entraîner is to practice. Oui. And then he says, bye. Bye. Oui, parce que c'est vrai qu'en français, on utilise beaucoup cool. Mm-hmm. C'était bien, oui, c'était cool. Mm-hmm. Et bye aussi. On utilise aussi salut. Okay. Mais c'est très fréquent d'entendre bye. Bye, okay. And then they all switch tables and move to the next person. Voilà. Okay. Wow, well, that was quite a dialogue. Should we listen to it again? Bien sûr. Salut la gazelle, ça gaze ? Oui, merci. Je m'appelle Marion, et vous êtes ? Je suis Jonathan, et je n'attends que toi. Un poète, je vois. Et à part m'attendre, vous faites quoi dans la vie ? On s'en fout. Tu me plais ? Je te plais ? Marley garé devant le café, je t'emmène bébé. Pas de précipitation, je ne sais rien de vous. Je ne suis pas une fille comme ça. Pour qui me prenez-vous ? Ne t'emballe pas ! Tout ce que j'ai essayé, c'était d'être drôle et original, sur les conseils d'un ami. Vraiment ? Je peux savoir quel conseil il vous a donné ? Il m'a dit, fais-les rire. Femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Ça a raté pour cette fois, mais c'est pas grave. Je ferai mieux avec la suivante. C'était cool de pouvoir s'entraîner un peu. Bye ! Donc voilà, ici on a un personnage français qui n'est pas du tout charmeur. No, not at all. Ce n'est pas un beau parleur, au contraire, il est trop direct. Mm-hmm. He thinks that with his rhymey rhymes, he can just walk in and charm somebody. Ouais. And it doesn't work that way. Non, pas trop. Les femmes méritent quand même beaucoup plus de respect, mm-hmm. beaucoup plus d'attention. Sure. Faut leur parler avec des mots doux. Yes. You have to be sweet with the ladies. Voilà, elles doivent être charmées. Mm-hmm. On n'emploie pas du vocabulaire comme on a ici, dire « on s'en fout ». Right. C'est un peu comme si je m'en fous mm-hmm. d'être avec toi. Right. Si c'est toi ou une autre, c'est pas grave. Yeah, you know, that's important to know. When someone asks you on a first date, what do you do? Ouais. You don't say « on s'en fout ». Pas vraiment, non. Et on ne dit pas non plus « ne t'emballe pas ». Ok, don't get all uptight. Ouais. Donc, on pourrait peut-être donner d'autres exemples pour « ne t'emballe pas ». Si, JP, je te dis « tiens, ce soir, on pourrait sortir mm-hmm. ». Tu commences à parler, me dire « ah oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait aller ici, on pourrait aller là mm-hmm. ». Et c'est là que moi, je te dis oh, « ne t'emballe pas, JP ». Ok, don't get all excited. Voilà, on verra comment ça se passe. Right. Tranquille. Mm-hmm. Tranquille, JP. Maybe something equally as offensive in English would be like « don't get your panties in a bunch ». Ok. People don't like it when you say that to them. Non. No. Donc voilà, malheureusement, pour notre chère demoiselle, ce n'est pas encore le bon. Non. Mais pas de problème, la séance de speed dating n'est pas terminée. Ok. Donc on aura une prochaine personne qui sera peut-être enfin le prince charmant. Well, I can't wait to hear that one, Amory. Donc voilà, merci beaucoup, merci à tous. N'oubliez pas, on se retrouve sur la page de discussion. C'est toujours un plaisir d'avoir vos commentaires. Toute l'équipe de FrenchPod est là pour y répondre. Et si vous avez des suggestions, nous les attendons avec plaisir. À très bientôt. À la prochaine. Salut.